trop, le qui en fait trop. Jalousie sur jalousie, on veut me faire la trop. Oui, j'ai mon écho, j'ai pas la classe écho. Jalousie sur jalousie, on veut me faire la trop. On dit que je suis son cœur, je sais que tu te fies. Je ne suis pas un acteur, ne te fais pas.